Toujours en Corée du Sud, le 9 juin, selon la CBS, l'ex-présidente de la fondation d'Ugyon, Park Geun-hyung, cadette de Bakune, est accusée sans détention, inculpée de vice et corruption. D'après les données, elle a reçu en 2014 un pot de vin de 100 millions de won en trompant une entreprise.